L'été, votre bagage, c'est France Culture. À suivre, un documentaire XXL. Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, à l'ombre des centrales nucléaires, une série documentaire de Lydia Benisrak réalisée par Christine Diger. Au départ de cette série, il y a de vieux mensonges, des histoires de nuages aux trajectoires stupéfiantes et des catastrophes meurtrières. Il y a des sols, des fruits, des animaux, des humains et des champignons contaminés. Il y a des mots qui font froid dans le dos, uranium, radium, césium. Et ces questions, comment vivre avec la menace, travailler au cœur du réacteur et croire les promesses que l'on sait intenables? Et comment faire entendre les réacteurs fondus de Fukushima ou les villages fantômes de Tchernobyl? Et cette idée que le plus dur parfois, c'est de reconnaître que l'on a fait le mauvais choix. Alors pour commencer, les personnages. Des douaniers aux aguets, des journalistes peu curieux, des Alsaciens vigilants, des habitants qui prennent en charge leur propre sécurité, des chercheurs, des experts et des fouineurs qui ne lâchent pas l'affaire, et un patron de la sûreté nucléaire bien solitaire. Ensuite le décor, le sifflement des compteurs Gégère, des consignes qui diffèrent, des spots rassurants, des campagnols mal formés, un état qui ment, 548 réacteurs et du césium-137 sur les salades. Aujourd'hui, troisième épisode, ouf, le nuage est passé tout près. Bonjour, nous nous arrêterons très longuement dans cette édition sur les suites de l'accident intervenu il y a tout juste une semaine dans le fonctionnement de la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl. Le nuage radioactif, je mets le mot entre guillemets, est aujourd'hui au-dessus de la France. C'est la conséquence de la météo, mais il n'y a aucun danger. Vous écouterez l'enquête de nos spécialistes et de nos envoyés spéciaux. L'essentiel de ce journal sera donc consacré aux suites de l'accident de la centrale ukrainienne de Tchernobyl. Ça fait maintenant une semaine que l'accident a eu lieu et l'on peut se demander pourquoi en parler. Eh bien d'abord parce que cet accident est le premier de cette importance dans une centrale en exercice et que c'est ensuite la première fois que ça se passe en Europe. Le dernier incident grave s'était produit, vous en souvenez peut-être, aux États-Unis, à Three Mile Island. Cette fois-ci, l'opinion publique européenne s'est émue, pour ne pas dire plus, la proximité d'abord, et puis toujours ce vieux mythe qui fait confondre la bombe atomique et l'énergie nucléaire. On ne répétera jamais assez que ça n'a rien à voir. Ce sont des vents de sud, sud-est, ça se dirige vers la vallée du Rhône et les Alpes, mais ensuite le vent soufflera de l'ouest, et ça reviendra alors vers l'Europe centrale. De Tchernobyl à Fukushima, les leçons pour la France. Et à la frontière, les douaniers suisses ont commencé à surveiller toute marchandise et toute alimentation qui venait de France. Michel Fernet. Et à repousser ce qui venait avec des légumes, des fruits contaminés. Mais de l'autre côté, les enfants allaient jouer aux jeux de sable. Mais du côté allemand, par contre, il y avait des directives très très précises. Vous devez rester chez vous. Ceux qui sortent, quand ils reviennent, doivent déposer leurs habits. Ils doivent se doucher. Et il y avait un système de ramassage des objets ou des vêtements pollués. Donc, il y a d'un côté des mesures de protection prises et aussi de retenue à domicile des gens et des droits de sortir que de façon limitée. Et de l'autre côté, rien n'avait changé. Aucun danger si vous devez sortir cet après-midi. N'hésitez pas à aller vous promener si la pluie, évidemment, vous le permet. Alors que dans le Bas-Rhin, les fermes n'ont reçu aucune directive. Il n'y avait personne qui leur a dit rentrer vos bêtes. Donc les bêtes ont pu paître dans des champs contaminés. Et ça a été le cas pour toute la France. Mais il y a eu ailleurs également d'autres preuves de l'angoisse atomique, notamment en Allemagne et en Italie. L'université de Mayence enregistre les premiers cas d'empoisonnement micro tablette diode, ces tablettes prises à la légère par ceux qui redoutent les effets de la radioactivité. Et le ministre de l'Intérieur de lancer un appel à la prudence. Il invite les paysans à ne pas donner de fourrage frais à leur bétail et les ménagères à laver les légumes avec un soin tout particulier. Pas de panique, mais quand même beaucoup de prudence. Du moins de conseils à la prudence. Marcel Delvaux, Bonne, France Inter. En Italie également, on a enregistré d'autres réactions, je dirais, assez irrationnelles. Le ministre de la Santé a interdit pour 2 semaines la vente des légumes verts et la consommation de lait frais pour les enfants de moins de 10 ans et les femmes enceintes. D'un côté du Rhin, vous aviez des valeurs du côté des autorités allemandes données qui étaient à 10 000, 20 000 becquerels par mètre carré, et nous, du côté de la France, c'était 22. Roland Desbordes. Évidemment, il y avait un problème, c'est que de tout le long du Rhin, c'était toujours la même chose. Donc les élus alsaciens se sont mobilisés pour dire « nous, on veut savoir ». Et donc ils sont tournés vers la Clairade, et la première grande campagne, ça a été sur l'Alsace, et ils nous ont permis de démontrer que le Rhin n'avait rien arrêté, qu'on trouvait exactement du côté français, la même chose que du côté allemand, c'est-à-dire 10 000, 15 000, 20 000 becquerels par mètre carré, toujours dans le césium 137, qui lui a une demi-vie de 30 ans, donc qui va durer dans le temps. Il y a autour de Tchernobyl des campagnols roussâtres, ces petites souris ravissantes qui courent sous les arbres. Et Madame Goncharova, qui est une généticienne, a étudié les campagnols à proximité de la centrale, à chaque génération des malformations et les anomalies génétiques grandissaient. Et chez les humains, il faut attendre 25 ans, autrement dit, avec 50 ans, on commence à étudier la troisième génération et on commence à confirmer ce qu'on a vu chez les campagnols. Les humains qui ont été irradiés, leurs enfants seront plus malades qu'eux. 150, 200, 250, 300, 400, 500. Coups par seconde au contact du sol, alors que le niveau naturel est de l'ordre de 50 coups par seconde. C'est-à-dire que le césium 137 accumulé dans cette pelouse de montagne dégage, émet un taux de radiation à peu près 90 fois supérieur à la normale. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques quand on a sorti notre atlas en 2002. On est allé sur le terrain, on a fait des milliers de mesures en France et en Europe, c'est-à-dire on est allé voir dans les pays étrangers si les chiffres officiels donnés par les autorités locales correspondaient à ce que nous on voyait sur le terrain. Et curieusement, partout ailleurs, ça colle parfaitement, c'est-à-dire que les autorités n'ont pas menti. Sur la France, ça ne collait pas. Et il a fallu 20 ans arriver en 2006 pour obtenir de la part de l'Institut de Radioprotection Sûreté Nucléaire, qui est l'expert de l'État, on les a convoqués. Et là, l'IRSN, devant témoins, a reconnu, oui, les chiffres qui ratent sont les bons chiffres des retombées de Tchernobyl. Le problème avec les becquerels, c'est que le coefficient de passage n'est pas de 100, mais de 27. Un becquerel, c'est 27 picocuries, c'est-à-dire 27 millièmes de milliardième de curie. Bon, alors personne n'a rien compris. Le becquerel, c'est une désintégration par seconde, et puis c'est tout. Bon, c'est le becquerel, c'est une désintégration par seconde. Mais non, mais c'est pas la peine de ramener à l'ancienne unité qui était le curie. La plupart des personnes qui connaissent cette question parlent en curie, je continue à parler en curie. Bon, alors si tout le monde parle en becquerel et vous parlez en picocurie, alors déjà qu'on n'y comprenait pas grand-chose, là on est complètement perdu. Il y a eu un bilan qui a été fait à Tchernobyl par des gens qui voulaient montrer que la situation n'est pas si grave que ça. C'est des délégations parties de France, comité de défense du nucléaire, avec M. Lochard qui gérait ce groupe, qui devait montrer qu'en fait les choses ne sont pas si graves si on parle avec les gens. Donc personne dans la salle n'avait été informé. Personne, les journalistes, des gens de différents pays qui avaient été invités à cette séance spectaculaire, personne n'avait vu en fait le bilan sanitaire qui était plus que désastreux. Le document médical a été totalement censuré, détruit. Le nucléaire est une chose beaucoup trop sérieuse pour l'abandonner aux spécialistes et aux experts. Leur procédé consiste à exiger préalablement à toute discussion que l'interlocuteur connaisse techniquement le nucléaire dans tous ses détails, dans le dédale desquels il est aisé de noyer le regard global et la question de la responsabilité. Sur des réacteurs de ce niveau de puissance, en cas de fusion du cœur, d'accident grave, on n'arrive pas à maintenir le cœur fondu en cuve. D'où ce dispositif qu'on a qui permet de récupérer ce mélange de combustible et d'acier fondu dans une zone d'étalement où ce mélange vient se refroidir. Et donc cette zone d'étalement, c'est ce qu'on appelle le récupérateur de corium. Donc ça, c'est une des spécificités de la tranche EPR hein, en cas d'accident grave. Je dirais le gros intérêt d'un réacteur de type EPR, c'est encore une fois de répondre aux enjeux de sûreté avec les dispositions qu'on rappelait, mais aussi d'avoir un réacteur de forte puissance. Le réacteur EPR est un réacteur de génération 3+, qui allie un très haut niveau de sûreté et de sécurité et un rendement supérieur aux modèles antérieurs. Avec une puissance de 1650 MW, il est le plus puissant réacteur nucléaire de la gamme proposée par Areva. Et quand Areva a 7 milliards d'endettement, que l'État promet 2 milliards, passe la filière EPR à EDF. EDF qui a un endettement de 37 milliards et demi avoué. Didier Angers. Et en fait, on en est à plus de 100 milliards. Lors d'une conférence ici, il y a quelqu'un d'EDF qui est venu me trouver une fois que ses chefs étaient partis, qui me dit « Mais à combien vous estimez aujourd'hui ces chiffres ?» C'est nettement plus de 50 milliards, plus ce qui est à venir. Donc lui, il était inquiet. Et il était inquiet pour son boulot. Parce qu'aujourd'hui, la doctrine, c'est d'augmenter le coût de l'électricité, d'une part, qui devait être la moins chère du monde, et c'est aussi de supprimer 5000 emplois en 2 ans. Tout cela a d'abord été une totale surprise. Je ne pouvais imaginer, encore moins accepter, que à ce niveau de scientificité et d'ingénierie, du moins pour la partie civile, que je croyais détachable de l'usage militaire, on ne s'obligeât ni à l'honnêteté, ni à la sincérité les plus grandes. Pour quelles raisons différentes le secret et le mensonge dont l'usage était acceptable pour les machines de guerre devaient-ils persister alors qu'il s'agissait seulement de produire de l'électricité ? L'un des responsables de ces campagnes d'accoutumance des populations à vivre dans un environnement radioactif a confié en Biélorussie qu'ils espéraient apprendre beaucoup de leur expérience vécue sur place pour savoir que faire si un accident survenait en France. Je me souviens qu'en 1988, le docteur Jamet, qui était le chef du département de radioprotection du CEA, au moment où commençaient à apparaître les problèmes sérieux dans les zones contaminées, il a dit « c'est formidable, on va enfin comprendre comment la radioactivité agit sur de grandes populations ». Et il disait ça, d'après le journaliste qui l'interviewait, avec un air un peu gourmand. Alors maintenant, pour revenir à ce qui se passe dans les régions de Biélorussie où vous avez des herbages contaminés, les vaches produisent toujours aujourd'hui un lait contaminé. Eh bien, on mélange le lait avec du lait propre. Le lait reste un vrai problème. Pour le reste, c'est à peu près maîtrisé pour l'agriculture elle-même, mais pas pour ce qui concerne la cueillette en forêt. La cueillette en forêt nous donne des surprises hallucinantes. L'institut que nous finançons au Bélarus, il y a 2-3 ans et à plusieurs reprises, a mesuré des champignons qui contenaient, une fois séchés, 250 000 et plus becquerels par kilo. Ce qui veut dire en France des déchets radioactifs qu'on met dans des alvéoles bétonnées. Là-bas, on fait la soupe avec. Donc il y a des risques. L'environnement devient une menace. Quand vous avez une pollution qui va rester là des centaines d'années, il n'y a pas de fin perceptible à l'échelon même historique. On fait croire qu'on peut vivre avec la radioactivité. Il y en a qui se dévouent pour protéger leurs semblables et qui deviennent complices involontaires de ces espèces de villages Potemkin que la Commission internationale de protection radiologique essaye de maintenir dans les régions très contaminées. Et aujourd'hui, au Japon, depuis 2011, vous avez ce fameux projet qui vise le même résultat, c'est-à-dire que les populations reviennent de bon cœur, comme une expérience intéressante à vivre, habiter les régions contaminées. La nucléologie marche sur la tête. En réalité, le risque nucléaire maximal existe. Il est une donnée réelle, incontestable, confirmée par les antécédents de Tchernobyl et Fukushima. À la suite d'une panne du circuit de refroidissement, quelles qu'en soient les causes, un réacteur de centrale nucléaire peut dépasser un seuil de non-retour et ainsi, du fait de l'absence de technologies de contention, de contrôle et de réparation, contaminer pour des millénaires et de manière irréversible une zone s'étendant sur plusieurs continents. Cet événement peut avoir lieu à nouveau demain matin, dans 10 jours, dans 10 ans, suite à une tempête, une inondation, une sécheresse, un séisme, un attentat, un bug informatique, un enchaînement d'incidents isolément anodins ou d'erreurs humaines directes. Ces questions essentielles sont donc masquées par les questions techniques. Dès qu'on demande si c'est techniquement faisable, on ne se demande plus si c'est souhaitable. Les concepteurs ont agi de telle sorte que si le réacteur d'une centrale nucléaire est perdu, tout l'environnement humain et naturel qui l'entoure est lui aussi perdu, sans qu'il y ait lieu de s'en émouvoir. Le principe viril de désinhibition en symbiose avec l'éthos du chercheur et celui de l'entrepreneur libéral. The EPR was designed by Areva NP and Siemens in close cooperation with Électricité de France. La France a un prétendu nouveau réacteur, le EPR, European Pressurized Reactor. Ses concepteurs, les Français Areva et EDF, n'arrivent même pas à le construire. Donc Areva a un chantier d'EPR en Finlande. Ce réacteur devait entrer en service en 2009. On est en 2017, il n'est toujours pas terminé. Il y a des malfaçons absolument invraisemblables et des surcoûts gigantesques. Un réacteur vendu 3 milliards aux Finlandais et qui en est maintenant aux alentours de 10 milliards. Et il y a des procès internationaux pour savoir qui va payer la note, probablement la France. Mais Stéphane Lhomme, la France est très fière d'avoir vendu le PR aux Anglais malgré le Brexit. Alors ça, c'est une légende. La France n'a pas vendu ses EPR aux Anglais. La France s'est vendue ses propres EPR puisque pour obtenir ce marché, EDF a tout simplement racheté l'EDF britannique, British Energy. Et donc évidemment, c'est plus facile après puisque c'est EDF en Grande-Bretagne qui commande des EPR à la France. Le problème, c'est que ce réacteur connaît des problèmes absolument invraisemblables à la construction et son financement est quasiment impossible puisque annoncé à 2,8 milliards au départ à Flamanville, la facture va être absolument astronomique. Depuis le début de cette affaire, moi j'annonce que ce chantier n'aura pas lieu. Et si jamais il commençait, ça serait tout simplement la ruine définitive pour EDF. Le réacteur EPR français n'a aucun avenir et ne doit surtout pas être lancé. Le réacteur EPR bénéficie du retour d'expérience des 98 réacteurs construits dans le monde par Areva depuis plus de 30 ans. Pas de moyen plus simple de passer de l'uranium à l'électricité directement. Avec des rendements acceptables, non, il n'y a pas de moyen plus simple pour des niveaux de puissance qui sont ceux qu'on évoque là. Hein, parce que on va générer 1650 MW quand même. C'est tout à fait colossal. La turbine, ça représente 1800 tonnes en rotation. Ça donne quand même une idée des énergies qui sont en jeu pour produire plus de 1600 MW. Et donc voilà, dans ces niveaux de puissance, je dirais le moyen le plus industriel de produire l'électricité, ça reste une turbine et un alternateur. Le débat est exclusivement éthique. Veut-on ou non que la sécurité des personnes soit plus importante que la sauvegarde des machines ? Veut-on ou non que la valeur de la vie humaine soit plus grande que la valeur du profit que l'on tire d'elle. Suite à Fukushima, est-ce que vous pensez, Yves Lenoir, que la France a bien pris la mesure des dangers potentiels d'un accident nucléaire chez nous ? J'ai l'impression qu'on a une approche schizophrénique de ce problème. D'un côté, vous avez Pierre-Franck Chevet, le président de l'ASN, qui s'inquiète du risque d'accident majeur en France. Et à juste titre, on a déjà frôlé plusieurs accidents majeurs en France dans les décennies passées. Et d'un autre côté, qui ne s'insurge pas du fait qu'on continue à considérer que l'énergie nucléaire est une énergie d'avenir et qu'on peut continuer comme ça des dizaines et des dizaines d'années à condition de prendre quelques précautions. Et je pense que c'est parce que les instances internationales dont nous avons parlé dénient les effets des radiations. C'est-à-dire que quand vous regardez la cohorte d'environ 800 000 travailleurs qui sont venus travailler à Tchernobyl pour remettre la centrale en fonctionnement, parce que c'était ça le but de la soi-disant liquidation, c'était le plus vite possible de pouvoir redémarrer la centrale de Tchernobyl et prouver que, même avec un accident aussi important, on pouvait remettre en service une centrale. La cohorte ukrainienne de ces liquidateurs, qui est très importante, plusieurs centaines de milliers de personnes, a été bien étudiée, parce qu'ils se sont organisés en association, en liaison avec le gouvernement et tout. Entre 1996 et 2006, donc en 10 ans, sur les 350 000 survivants en 1996, 160 000 avaient péri entre 1996 et 2006. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. Ça montre bien que la guerre contre la radioactivité fait des morts. Des morts différées, c'est pas comme une balle de fusil, hein, mais fait des morts. Officiellement, le rapport de l'ONU de 2006, donc justement à la fin de cette période où le recensement des travailleurs ukrainiens montre qu'il y a eu 160 000 morts, le rapport de l'ONU dit que Tchernobyl a fait 50 morts, point final. La schizophrénie, elle est complète. Elle est dans le monde scientifique, elle est dans le monde industriel, elle est dans le monde administratif. Le choix de l'énergie atomique conduit à ce type de situation. Tu n'as rien vu, rien. Si jamais une catastrophe arrivait demain en France, est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons de Tchernobyl et de Fukushima ? Roland Desbordes. C'est tout le lobby nucléaire qui est là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Biélorussie ? Ils sont allés mettre au point des programmes dont l'objectif était comment faire oublier la radioactivité aux populations qui vivent en zone contaminée, pas par choix, mais par obligation. Comment vivre heureux, je dirais presque, en zone contaminée. Alors, ces programmes, nous les avions dénoncés à l'époque en disant, attention, c'est grave, c'est habituer les gens à prendre en charge leur propre radioprotection. Les gens, ils sont responsables de rien dans ces zones-là. C'est pas eux les responsables. Les responsables, c'est l'exploitant, c'est l'État. Et eux, ils se retrouvent à gérer leur propre radioprotection en disant, bah tiens, si je veux pas prendre de dose, ben il faudra pas que je mange trop de champignons. Il faudra pas que j'aille trop me promener dans les bois. Il faut que les enfants, pour aller à l'école, on les équipe de dosimètres. Je suis désolé, ça, c'est scandaleux pour moi, puisque si un jour ces gens sont malades, ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, puisque c'est eux qui auront mal géré la dose, on va les culpabiliser. Donc c'est bien ça l'objectif, c'est faire revenir les gens pour que ça coûte moins cher. Pourquoi ? Parce que le nucléaire n'est pas assuré. Ça veut dire qu'en tant que victime, vous n'avez personne vers qui vous retourner. On a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Il faudrait des doses 10 000 à 100 000 fois plus fortes pour que commencent à se poser des problèmes de santé publique. Un becquerel, c'est 27 picocurie, c'est-à-dire 27 millièmes de milliardième de curie. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Les prises préventives d'iode ne sont ni justifiées ni opportunes. Cette question de l'information de crise est traitée d'une façon presque inconsciente ou idéaliste quand on pense à l'incendie du réacteur de Windscale en 1957 en Grande-Bretagne qui avait contaminé une grande partie de l'Europe avec de l'iode radioactif. Quand on pense à l'accident de Three Mile Island aux États-Unis, quand on pense à l'accident de Tchernobyl ou de Fukushima, on s'aperçoit que la population n'est pas protégée pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'information n'est pas fournie tout de suite sur ce qui se passe. On retarde la publication. Quand on sait qu'il y a un problème, c'est un cas très intéressant à Three Mile Island, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'iode dans le bâtiment réacteur et qu'il peut y avoir une explosion. Le risque était considérable. Et pour ne pas affoler la population, on n'a pas distribué l'iode. Et ça pouvait exploser. À Fukushima, le maire de Miharu a distribué de l'iode à sa population et s'est fait taper sur les doigts parce que le gouvernement n'avait pas donné l'autorisation de distribuer de l'iode. À Tchernobyl, n'en parlons pas, la Commission internationale de protection radiologique, le 6 mai, 10 jours après le début de la crise, a dit qu'il n'était pas nécessaire de prendre quelques mesures de protection que ce soit. Aucune. Distribuant de l'iode, évacuation, tout ça, non. Même pas contrôler la nourriture. Alors cette affaire nucléaire, c'est vraiment une affaire nationale. C'est unique au monde, cette histoire. Vous avez une pyramide hiérarchique et tout le sommet jusqu'au niveau de prof à l'université et pro-nucléaire. Les principales applications que nous envisageons et pour lesquelles nous poursuivons des études sont la climatisation des maisons, la réfrigération, l'adaptation de l'énergie solaire à la cuisson des aliments et enfin les moteurs. Il y a déjà eu sur la climatisation des maisons un certain nombre d'essais et même aux États-Unis des constructions de véritables maisons solaires très bien agencées et véritablement rationnelles. Ce que l'on pourrait leur reprocher, c'est leur perfection qui entraîne des prix de revient encore trop élevés. Néanmoins, ces maisons sont rentables et l'on envisage aux États-Unis l'établissement d'un vaste programme permettant d'aboutir à des économies de combustible importantes. Archivina, 1956. So what we use fuel. Et ça fait au moins 10 ans qu'on peut objectivement dire qu'on observe une croissance mécanique des coûts du nucléaire et une baisse par ce qu'on appelle l'apprentissage technologique des coûts des énergies renouvelables. Et ce qui est frappant, c'est que pendant ces 10 ans, le phénomène s'est accéléré. Yves Marignac. En particulier, il y a des chutes de coûts du côté du photovoltaïque, par exemple, qui dépassent toutes les projections les plus optimistes qu'on pouvait faire il y a encore 5 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de discussion à avoir sur le coût respectif à long terme d'une production basée sur les renouvelables et d'une production basée sur le nucléaire. Le système compétitif économique de demain, c'est le système des renouvelables. Les systèmes électriques sont déjà, en Europe en tout cas, qu'on aille vers 100% d'électricité renouvelable. Produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital. EDF s'engage à produire une énergie qui fera avancer le monde sans faire reculer l'homme. On appelle cela le développement durable. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Alors, il y a deux raisons fondamentales qui font obstacle à cette transition vers un système renouvelable en France. La première, elle est classique, c'est qu'on a un opérateur industriel dominant, installé, qui défend ses intérêts. Et ces intérêts ne sont pas ceux d'une transition rapide. Et puis la deuxième, c'est que dès lors qu'on se projette dans la fermeture de nos réacteurs, la question de la gestion de l'héritage de matière nucléaire, l'héritage de déchets, le démantèlement, se pose avec beaucoup plus d'acuité, à la fois techniquement et économiquement. Les fabricants d'équipements nucléaires ont falsifié des certificats de façon à livrer des pièces qu'ils savaient défaillantes. Ben, il devrait y avoir je ne sais pas combien de mecs en prison, je ne sais pas combien de démissions, etc. Il ne se passe rien. Bernard Laponche. Il ne se passe rien. C'est quand même des zones un peu de non-droit, quoi. Et on découvre ce qu'on appelle les dossiers barrés. Qu'est-ce que c'est ? C'est que chaque fois que vous faites un équipement, quel qu'il soit, vous accompagnez d'un certificat. Et ils ont trouvé dans un coin les mêmes certificats de tout ce qui avait été livré, dont certains Il y avait deux traits au crayon, d'où le nom de dossier barré. Alors, ils se sont dit, pourquoi il y a des dossiers barrés? Ils ont comparé le dossier barré au dossier officiel. Eh bien, ce n'était pas la même chose. Dossier officiel certifié que la pièce était parfaite, dossier barré, ben, elle n'était pas parfaite. On se demande d'ailleurs pourquoi ils les ont gardés, mais il y a peut-être des gens qui ont scientifié qui se sont dit quand même. Et donc on en est là, et il y a des milliers de pièces. Et donc ils sont en train d'examiner, je crois, 10 000 pièces. Enfin, je ne sais pas combien de millions de pages, ce qui va prendre un certain temps. Et en attendant, et surtout, il devrait y avoir des contrôles à tous les niveaux pour des pièces pareilles. Mais ça veut dire que tous les contrôles intermédiaires n'ont pas été faits. C'est-à-dire qu'Ozoloir a donné son certificat, le suivant, Areva, a dit, bon, mais puisqu'il y a le certificat de Creusot-Loir, c'est pas la peine que je m'emmerde. Et Areva a livré EDF, qui a dit, puisqu'il y a le certificat d'Areva, là, et puis on l'a mis dans les réacteurs. Et ça, ça remonte à des années. À la suite de Fukushima et de Tchernobyl, c'est l'accident aujourd'hui, c'est ce que dit d'ailleurs l'autorité de sûreté nucléaire, il n'est pas possible, il est probable. Je pense que la sémantique est importante, probable. Hein, et nos autorités s'y préparent. Malheureusement, en France, je m'attendais à la suite de ça, de cet état des lieux qui a été fait en 2012 par les exploitants eux-mêmes, hein, qu'on dise, bon, notre nucléaire demande des travaux importants pour la sûreté, pour éviter l'accident, la catastrophe, on arrête tant qu'on n'a pas fait les travaux pour pouvoir redémarrer. Eh bien, pas du tout. On a continué, vous avez remarqué, à faire tourner des réacteurs nucléaires, malgré ces travaux qui n'ont pas été réalisés encore aujourd'hui. Il a fallu que là-dessus, il y ait des pièces défectueuses qui ont été découvertes fortuitement par l'autorité de sûreté nucléaire. Ça pose problème. Est-ce que le gendarme contrôle vraiment la maison ? Et puis, c'est le coup, alors cette fois, qui explose complètement, parce que là, à part les scandales comme Uramine, qui sont des problèmes plus de mafia, qui se sont exercés là autour d'Areva, dans ce coup-là, EDF, elle, est complètement aussi dans le rouge, parce que les coûts explosent complètement. Donc aujourd'hui, économiquement, le nucléaire est complètement dans les choux, et si en France, on n'avait pas un nucléaire de droit privé, puisque EDF et Areva sont des sociétés de droit privé, mais à capitaux majoritairement d'État, eh bien, s'il n'y avait pas l'État pour renflouer en permanence, il serait déjà déclaré en faillite depuis très très longtemps. Au moins, la privatisation devrait avoir la vérité des coûts, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Quand c'est une entreprise publique et un service public, on ne se pose pas cette question. Quand on a affaire à des sociétés dites de droit privé, c'est le cas d'EDF Areva, on devrait se poser cette question, sauf que les dés sont pipés, puisque l'actionnaire majoritaire, c'est l'État, et l'État, c'est notre argent qui est remis régulièrement dans le tonneau des Danaïdes. Les mecs d'EDF, ils sont pour nucléaire, les mecs du CEA sont pour nucléaire, les mecs d'Areva sont pour nucléaire, le préfet est pour nucléaire, l'ambassadeur de France est pour nucléaire, l'ENA est pour nucléaire. Vous avez une telle unanimité. Du fait historique, ça a été toujours supporté par les États, cette histoire nucléaire, du fait de l'aspect militaire initialement. Et donc, vous avez une telle puissance au niveau de l'État, et comme c'est un pays très centralisé, où l'État est quand même extrêmement puissant à travers pratiquement toutes les professions, quand le directeur d'EDF dit quelque chose, le patron du CEA, qui est un grand savant, dit quelque chose, que le ministre dit quelque chose, que les conseillers du ministre... Comment ça se fait que vous avez 95% des députés qui sont pour le nucléaire ? Pas parce que chacun a travaillé la question et en a déduit que bon, la plupart, vous leur demandez comment marche un réacteur nucléaire ou d'où vient cette électricité nucléaire, ils n'en savent rien. Et donc c'est bien parce que dans leur coin il y a une usine, d'abord tout le monde a des activités nucléaires en France pratiquement parce qu'il y en a partout, sauf le centre, dans mon village il n'y en a pas. Mais il y a eu des mines d'uranium partout, il y a des industries nucléaires à peu près partout. Ça arrose les élus, ça arrose les gens, ça fait des villages avec des piscines olympiques. Enfin, si vous voulez, il y a une telle pression à la fois économique, psychologique. Si vous êtes critique du nucléaire, dans n'importe quel milieu, vous vous sentez mal à l'aise, parce que tout le monde vous considère comme un zozo, quoi. Donc c'est très très fort, c'est une pression qui est très très forte. En France, on s'obstine à dire tout va bien, on n'arrête rien, au contraire, on prolonge la vie des réacteurs, on va construire des EPR, on va vendre des EPR, on crée un mythe, le risque augmente. Actuellement, on est dans une zone de risque bien supérieure à ce qu'on était il y a 5 ans, par exemple. Et le patron de la sûreté nucléaire, qui quand même se bagarre pas mal dans ce milieu épouvantable, il a dit l'an dernier, j'avais dit que la situation était préoccupante à moyen terme. Cette année, je vous dis que la situation est préoccupante aujourd'hui. Et préoccupant pour un haut fonctionnaire, ça veut dire quand même, c'est plus que préoccupant. Et voilà, et on en est là. Le grand carénage, c'est une cure de jouvence. Projet le plus enthousiasmant du nucléaire depuis 30 ans. C'est un merveilleux projet industriel. Hein. Un enjeu industriel, humain et technique. On est en train de vivre un nouveau départ. La science avance, les technologies avancent. C'est l'occasion de repartir, de relancer un certain nombre de nos activités. Aujourd'hui, dans le nucléaire, on crée des emplois, on va en créer dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Du travail pour toute l'équipe de France pour les années à venir. Un challenge très intéressant. C'est une formidable opportunité de démontrer le savoir-faire français. C'est un projet absolument enthousiasmant. Quand ça sera terminé, tout le monde sera content et tout le monde prendra les vacances. Aujourd'hui, la plupart des réacteurs nucléaires français arrivent en fin de vie. Et d'ailleurs, EDF a décidé de lancer des grands plans de rénovation, ce qu'on appelle le grand carénage, pour permettre à ces réacteurs de continuer leur fonctionnement un certain nombre d'années supplémentaires. Mais malgré ces travaux, qui d'ailleurs se passent très mal parfois, puisque à la centrale nucléaire de Paluel, en Seine-Maritime, EDF a fait tout simplement tomber un générateur de vapeur. C'est une pièce gigantesque de 450 tonnes qui est tombée dans le réacteur et qui a causé des dommages très importants qui font que ce réacteur ne démarrera peut-être plus jamais. C'est arrivé quand ? C'est arrivé au courant de l'année 2016. Il y a des dommages très très très importants. Et donc, on voit que la rénovation de ces réacteurs se passe mal et en plus, elle coûte des sommes absolument astronomiques. Et donc, on est finalement à la croisée des chemins. Et qui plus est, les finances d'EDF sont dans un état absolument dramatique. Il faut rappeler aussi que l'autre ex-grande puissance nucléaire française, Areva, a fait faillite. Et EDF est pratiquement dans la même situation et donc ne pourra de toute façon pas financer la rénovation de ces réacteurs. Et donc, EDF ne pourra pas entretenir les réacteurs. On peut tout juste espérer que les réacteurs seront arrêtés avant une catastrophe nucléaire et non pas en situation de catastrophe nucléaire, comme c'est le cas au Japon, qui a arrêté tous ses réacteurs, mais malheureusement dans la situation de la catastrophe de Fukushima. Tu n'as rien vu, rien. Tokyo, Fukushima, ça fait 250-260 km. Une petite brise, quelques kilomètres comme ça, ça se franchit facilement pour des isotopes. On sait maintenant que la ville de Tokyo a failli être évacuée. Il s'en est fallu de trois fois rien. Donc imaginez une ville qui fait... Alors Tokyo, c'est la plus grande ville du monde. Ça fait entre 12 et 30 millions d'habitants. Alors évacuer 12... 15, 20, 30 millions d'habitants, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire humaine. Vraiment, on a frisé quelque chose dont on se demande bien quel mot il faudrait employer pour le décrire. Et tout ça, c'est joué à la direction des vents. On a l'habitude de penser en termes avant, pendant, après. Et là, on ne peut plus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, 0. La notion de catastrophe conçue à l'ancienne, c'est-à-dire courte, empêche de percevoir la spécificité tout à fait originale du nucléaire. Une menace de maladie et de mort prématurée qui s'étend sur toute la planète et durant des dizaines de millénaires, c'est-à-dire un phénomène dont les dimensions dépassent totalement tout ce qui a été conçu, imaginé et vécu depuis que les civilisations humaines laissent des traces compréhensibles. Stéphane Lhomme, vous êtes dans la région de la Gironde, donc pas très loin de Bordeaux. Et là-bas, les réacteurs du Blayais sont passés tout près de la catastrophe. Oui, en décembre 99, lors de la fameuse tempête qui a causé tant de dommages en France, eh bien, cette centrale a été gravement inondée. Tous les calculs qui prouvaient que l'eau de la Gironde ne pouvait pas passer par-dessus la digue, eh bien, ces calculs se sont avérés faux et on s'est retrouvé dans une situation critique. Évidemment, il y a une certaine omerta sur ce qui s'est vraiment passé, mais d'après certaines informations, on sait que c'est un ingénieur qui a eu une idée bienvenue au dernier moment pour pouvoir récupérer le refroidissement des cœurs des réacteurs. Sinon, eh bien, c'était tout simplement le scénario de Fukushima qui allait avoir lieu 12 ans plus tard. C'était vraiment très similaire. Et d'ailleurs, M. Juppé, maire de Bordeaux, a reconnu qu'il avait été appelé, réveillé au milieu de la nuit par la préfecture, lui disant « Préparez-vous, monsieur le maire, on va peut-être évacuer Bordeaux ». Donc vous voyez qu'on est passé vraiment très très près d'une catastrophe. Et donc ça rappelle que eh bien, ce risque il est toujours présent en France puisqu'on a 58 réacteurs et que chacun d'eux peut à tout moment avoir une situation dramatique. Effectivement, c'est un outil de travail que nous avons parfaitement maîtrisé et en somme, il s'agit d'une domestication d'une matière qui, à l'heure actuelle, nous rend des services fondamentalement utiles à l'explosion nucléaire. Même dans le vocabulaire qu'on emploie, on minimise. À l'EPR de Flamanville, il y a eu un incendie, une explosion et ensuite un feu. Quand on regarde les comptes rendus de cet incident, on utilise l'expression « un départ de feu ». Alors vous pouvez regarder, hein, ça c'est dans le compte rendu du Monde qui reprend celui d'EDF. Et le compte-rendu d'EDF, c'était un départ de feu a eu lieu. Alors, un départ de feu, c'est pas tout à fait un feu, vous voyez, on est déjà dans une espèce d'arrangement. Nous avons eu un départ de feu dans l'unité de production numéro 1, donc située dans la partie non nucléaire de l'installation, donc la salle des machines. Il s'agit en aucune manière d'une explosion. Et ce qui me paraît évidemment essentiel, c'est que nous n'avons aucune victime, aucun blessé, et aucun impact sur l'environnement ni sur la sûreté nucléaire. Un départ de feu a eu lieu, les pompiers sont arrivés et ont constaté qu'il n'y a pas de feu. Vous connaissez le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Si, dans le nucléaire, on a inventé quand même on peut avoir de la fumée sans feu ou presque sans feu avec juste un départ de feu. J'ai adoré cette expression. Le défaut d'étanchéité est un terme consacré pour les centrales. Et qu'est-ce qu'il veut dire précisément ? Je ne sais pas, moi je le comprends comme un défaut d'étanchéité. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Les poussières qui peuvent s'accrocher sous les chaussures ou sur les gants. Et à chaque sortie, il faut une nouvelle fois montrer patte blanche. 3, 2, 1, non contaminé. Un simple exercice. Mais pour l'un des chefs d'exploitation de la centrale, la situation est sérieuse. Une cinquantaine de voyants clignotent. On a eu ça aussi au Japon, par exemple, on parlait de fuite. Mais là, en fait, à mon avis, on devrait utiliser l'expression geyser, et geyser radioactif. Parce que ce sont des espèces de geysers qui surgissent. Ces énormes quantités d'eau, elles étaient toujours évoquées par l'expression consacrée des fuites d'eau. Alors que il y en a eu des litres et des litres et des litres. Et évidemment, vous annoncez au journal du soir un geyser radioactif à Fukushima, c'est pas tout à fait la même façon de présenter l'actualité qu'une fuite d'eau. EDF annonce que la fuite d'eau radioactive à la centrale nucléaire de Penly a été maîtrisée. Selon le groupe énergétique français, l'incident sur le site situé dans le nord de la France n'a eu aucune conséquence sur l'environnement. Le réacteur avait été arrêté automatiquement hier après 2 départs de feu. Ce qui me frappe beaucoup, moi, on a des centrales partout en France, comme vous le savez, des centrales nucléaires qui truffent le territoire français. Donc, avec toutes ces centrales-là, le danger, effectivement, est partout. Mais je prends un simple exemple. Je ne parle même pas d'une explosion dans une centrale, où là, ce serait vraiment la catastrophe, mais parlons d'un simple incident ou d'une fuite, voilà. On va reprendre le mot de fuite, une fuite un peu sérieuse sur quelques heures ou un ou deux jours dans une centrale nucléaire dans la région du Bordelais. Qu'est-ce qui se passerait ? Il se passerait la chose suivante. Vous avez dans le Bordelais, quand même, le monde entier le sait, vous avez parmi les plus beaux vignobles de France. Et les plus beaux vignobles, c'est pas seulement quelque chose de naturel, il y a aussi le travail des hommes qui ont construit ces vignobles et qui ont fait ensuite tous les vins magnifiques, merveilleux que les Français connaissent et que le monde entier connaît, c'est-à-dire tous les grands crus du Bordelais. Ben là, avec une simple fuite un peu sérieuse sur quelques heures, ça pourrait foutre en l'air non seulement une activité humaine, économique, mais aussi un trésor de pratiques, de vignerons, un trésor qui a été accumulé au fil et à mesure des années. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi, ne serait-ce que les responsables politiques ou les gens qui ont des vignobles, ne prennent pas ce risque en compte. Il y a un aveuglement là qui, moi, me semble terrible. Parce que vous imaginez la France, Saint-Émilion, Margaux, Pauillac, etc. Je ne comprends pas comment les Français, qui sont toujours en train de se gargariser, et parfois à raison, de leur vignoble, de leur savoir-faire, de leurs pratiques ancestrales, voire de leur identité magnifique, je ne comprends pas qu'ils ne voient pas que tout ça peut être réduit à néant en quelques heures et par une simple fuite radioactive. Et après tout, si on décidait, c'est-à-dire la France en tant que peuple libre, ouvert, citoyen et donc avec un droit de vote, si la France décidait de rester dans le nucléaire en sachant tout ça, pourquoi pas ? C'est un choix collectif. Mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on ne le sait pas et on fait comme si c'était normal, logique, naturel de continuer cette politique. Une fois que la catastrophe va arriver en France, il faut en parler avant pour empêcher que ça se produise. Parce que sinon, ça se produira un jour ou l'autre. Et ce n'est pas être alarmiste que de dire ça. C'est une évidence pour qui a commencé un peu à réfléchir à ces questions-là. Après le largage, les deux autres avions ont fait demi-tour. Ils tournaient donc le dos à l'explosion, ils ne l'ont pas vue. Alors que nous allions droit dessus. Et elle s'est produite juste devant nous. On a vu l'explosion, le dégagement provoqué par la chaleur. Puis le champignon s'est formé et a commencé à s'élever en aspirant tout. Et au fur et à mesure qu'il s'élevait, il devenait rouge, jaune, violet. Et ça bouillonnait à l'intérieur. Malheureusement, le film tourné depuis l'avion caméra ne donnera rien. Et ces images filmées manuellement depuis l'avion soutien sont les seules que l'on possède du champignon d'Hiroshima. Tandis que les appareils survolent une nouvelle fois la ville pour mieux voir l'enfer qui bouillonne en dessous d'eux, le copilote Bob Lewis ajoute une phrase dans son journal. « Mon Dieu, écrit-il, qu'avons-nous fait ?» En fait, même si on est dans le contexte d'un projet militaire, on est en même temps dans cette alliance entre les militaires, les scientifiques et les industriels. Parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui participent, Monsanto, Union Carbide, Dupont de Nemours, etc. En fait, le projet Manhattan, c'est cette alliance avec trois acteurs essentiels. La préoccupation dominante, c'est la production du plutonium pour la bombe et en même temps, à des fins industrielles, pour le nucléaire civil. C'est-à-dire que cette alliance-là, elle est très très forte. Dès le début, ils savent qu'il y a des problèmes de santé avec la radioactivité, mais dès le début, il y a eu deux préoccupations du point de vue des responsables. La première, c'était essayer d'identifier la limite entre effet direct et effet différé, comme le cancer, comme les atteintes reproductives, etc. C'est-à-dire ce moment où la dose de radioactivité bascule dans l'invisibilité, en quelque sorte, puisque les effets qu'elle aura sont des effets différés. Et ce qu'il voulait savoir, c'est quel était le rythme d'élimination du plutonium dans l'organisme. Et donc, ils ont choisi, effectivement, de faire de l'expérimentation humaine sans prévenir les victimes. Ça a ouvert la porte à de multiples expérimentations humaines dans les hôpitaux psychiatriques, dans les quartiers très pauvres, très déshérités, où les gens n'avaient absolument pas la possibilité de se défendre, c'est-à-dire à l'occasion d'une hospitalisation, on vous dit qu'on va vous faire une piqûre et vous ne savez pas de quoi il retourne. Et les témoignages qui ont été recueillis montrent qu'ils ont eu des problèmes de santé qui n'ont pas été recensés. C'est-à-dire que même du point de vue de la connaissance qu'on aurait pu du coup avoir, même ça, on ne l'a pas eu. Et moi, je me souviens, pour avoir vécu à New York, c'était les années 70, c'était la fin probablement de cette période d'expérimentation. Mais une des choses qui vous était recommandée quand vous arriviez à New York, c'était de ne pas aller à l'hôpital sans avoir la recommandation d'un médecin, pour éviter de se retrouver dans la situation d'expérimentation, surtout quand on était étranger. Est-ce qu'on a une petite idée du nombre de cobayes humains que ça représente ? Apparemment, c'est plusieurs dizaines de milliers. Dès l'origine, l'objectif n'est pas la connaissance des effets sanitaires, mais le moyen pour l'industrie de se prémunir contre, je dirais, les effets indésirables qu'aurait la connaissance de ces effets sanitaires. Ben, les phénomènes se sont passés, on a nié massivement, on a empêché des gens à Tchernobyl de faire leur boulot. C'est de nouveau ce qui se passe en ce moment à Fukushima. Et le résultat, c'est que le savoir dont on aurait besoin pour se protéger contre la radioactivité, on l'a perdu. Et de cette période historique du projet Manhattan jusqu'à aujourd'hui, en passant par les essais nucléaires et par le nucléaire civil, on est dans une situation de perte irréversible de certains savoirs qui auraient été extrêmement nécessaires à l'humanité. C'était « À l'ombre des centrales nucléaires, aujourd'hui, de Tchernobyl à Fukushima, les leçons pour la France ». Avec Roland Desbordes, président de la CRIRAD, Michel Fernet, professeur émérite de médecine, ancien expert OMS, Bernard Laponche, physicien, Yves Lenoir, auteur de la comédie atomique aux éditions La Découverte, Bertrand Michou, ingénieur EPR, directeur du chantier Flamanville 3. Didier Angers, fondateur du CRILAN. Annie Thébomoni, auteur de La science asservie aux éditions La Découverte. Michael Ferrier, auteur de Fukushima, récit d'un désastre aux éditions Gallimard. Stéphane Lhomme, animateur du site L'Observatoire du nucléaire. Yves Marignac, directeur de Wise Paris et membre de Negawatt. Texte lu par Nicolas Lambert, La condition nucléaire de Jean-Jacques Delfour aux éditions L'Échappée. Prise de son, Yann Frécy, Yvan Charby, Claude Niort, Valérie Lavalard, Clémence Bonfils, Yves Lehors. Mixage, Catherine Dérété. Réalisation, Christine Diger. Un documentaire de Lydia Benitzrak. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it.